Bonjour à tous, on débute ce journal avec un mot de la météo de ce mardi 30 octobre. L'Est verra de faibles pluies en matinée, le ciel se fera plus lumineux sur l'Ouest avec un vent soutenu en bord de mer et des rafales jusqu'à 70 km par heure et des minimales entre 1 et 8 degrés ce matin. Ciel chargé encore pour cet après-midi sur la Seine-Maritime notamment où les averses seront nombreuses avec une amélioration progressive sur le reste de la région et des températures maximales qui oscilleront entre 11 et 12 degrés. Demain mercredi, matinée voilé avec de 3 à 8 degrés, puis jusqu'à 12 degrés et un après-midi nuageux avec localement des pluies. Jeudi, journée pluvieuse mais des éclaircies dans l'après-midi. Un mercure entre 7 et 13 degrés, puis vendredi, samedi et dimanche, risque de pluie sur toute la Normandie. À deux mois de la fin 2018, les chiffres de la sécurité routière montrent une baisse du nombre de morts dans les deux départements de l'Eure et de la Seine-Maritime. Point noir, les deux roues représentent la moitié des personnes tuées en Seine-Maritime. Dans l'Eure, trois personnes ont perdu la vie sur la route en juillet, août et septembre 2018. C'est donc 10 de moins que l'été 2017. En Seine-Maritime, on dénombre 12 tués en juillet, août et septembre 2018. C'est 7 de moins que l'été 2017. La limitation à 80 km/h est appliquée sur les routes à double sens sans séparation depuis le 1er juillet, mais il faudra attendre début 2019 pour savoir s'il y a eu moins de morts et d'accidents sur les routes limitées à 80 km/h, comme l'a expliqué Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière. On l'écoute. Ce bilan ne sera possible que, je pense, vers la fin du mois de janvier 2019, tout simplement parce que nous devons localiser avec précision le lieu des accidents et regarder sur les zones qui sont passées à 80 s'il y a eu moins d'accidents, parce que c'est une mesure anti-accident en fait. Elle vise à diminuer tous les accidents, quelle que soit leur cause. Alors on croisera ça aussi avec les observations que nous aurons faites sur les diminutions de la baisse des vitesses moyennes, et ça nous permettra de dresser un premier bilan, donc plutôt à 6 mois. En Seine-Maritime et dans l'Eure, la mortalité baisse depuis le 1er janvier. En Seine-Maritime, on est frappé par la proportion de victimes qui ont perdu la vie en deux roues. 11 motards, 3 conducteurs de cyclomoteurs et 4 cyclistes. On déplore aussi 6 piétons tués, dont 5 victimes ont 65 ans et plus. Dans l'Eure, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi est sans activité, c'est-à-dire de catégorie A, s'établit à la fin du troisième trimestre 2018 à 30 660 personnes contre 31 760 à la fin du troisième trimestre 2017. Par rapport au deuxième trimestre 2018, c'est une baisse de 1,3%, moins 0,3% pour la région Normandie, plus 0,5% en France métropolitaine. Le nombre de demandeurs d'emploi dans le département, c'est ce que note la préfecture de l'Eure, connaît ainsi une baisse de 3,5% en un an, moins 2,9% pour la région Normandie, moins 1,4% en France métropolitaine. La diminution du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A dans l'Eure sur un an profite de façon plus importante dans le département qu'en Normandie. Pour les plus de 25 ans et pour les 25-49 ans, les jeunes de moins de 25 ans, moins 4,2%. Pour les 25-49 ans, moins 4,3%. Et pour les 50 ans et plus, moins 1,1%. Un gendarme a été contraint de faire usage de son arme pour tenter d'intercepter un véhicule qui venait de commettre un refus d'obtempérer dans l'après-midi de ce vendredi. Les faits se sont déroulés vers 15h30. L'attention d'une patrouille de gendarmerie a en effet été attirée par un véhicule de forte cylindrée qui circulait dangereusement dans les rues d'Évreux. Les militaires ont décidé alors de contrôler le conducteur qui a refusé d'obtempérer et a pris la fuite. Lancé à sa poursuite, les forces de l'ordre ont tenté d'intercepter le chauffard qui a multiplié les infractions au code de la route à hauteur de l'hypermarché Cora et de la halle des expositions avenue du Maréchal Foch. Le véhicule a foncé sur un gendarme qui a mis pied à terre et a tenté de le percuter. Ce dernier a juste eu le temps de s'écarter à cet instant. S'estimant en danger, le militaire a fait usage de son arme de service à une reprise en direction du fuyard. L'automobiliste a-t-il été touché? Toujours est-il que ce dernier a réussi à prendre la fuite en direction de Lisieux. Immédiatement, le signalement du véhicule a été diffusé et un plan de recherche anti-malfaiteur a été déployé par le groupement de gendarmerie de l'Eure. L'individu n'avait pas été retrouvé ce week-end. En sport et en basket, suite et fin de la série de 3 rencontres entre Évreux et Nancy pour la Leaders Cup ce mardi à 20h. Les Eurois se sont inclinés sur leur parquet en Leaders Cup 75-78 il y a une semaine, mais ont inversé la tendance samedi en championnat 70-74. La belle a donc lieu ce soir. Et puis riff de guitare, break de batterie, vibration de basse et arrangement de clavier, il va y avoir du bruit sur le pré du Bel et Bas Évreux le 23 juin prochain. C'est en tout cas ce qu'espère Christian Mousseau-Fernandez, directeur du Tangram, et Alban Legrand, directeur délégué aux musiques actuelles avec leur nouveau projet We Love Rock'n'Roll. Voilà, c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très belle journée sur Cristal.

probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Oh, I did not believe that it would end, no. Everything came second to the band, so you're not even speaking to my friends, no. You know all my uncles and my aunts, though. Son de Post Malone sur Crystal, c'était Better Now. Crystal. Dimitri prend l'antenne jusqu'à 9h30. Bonjour, bienvenue sur Crystal. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour ce mardi. Nous sommes le 30 octobre, demain c'est Halloween et je suis sûr que les déguisements sont prêts. Ça y est, surtout pour les enfants, on va croiser plein de petits Dracula et de petites sorcières dans les rues. C'est mignon, préparez vos bonbons aussi hein, et faites-nous peur, c'est un petit peu le but d'Halloween. Nous pour Halloween, on vous attend demain à la Foire Saint-Romain dès 16h à Rouen. On sera là avec toute l'équipe de Crystal pour une spéciale en direct. Et on va vous faire gagner pas mal de cadeaux tout au long de la journée. Donc on compte sur vous pour venir nous voir déguisés par exemple. Ça pourrait être plutôt marrant. Il est 5h30, on démarre cette nouvelle journée ensemble hein, sur Crystal comme tous les matins. Bon courage si vous bossez dans le froid hein, ce matin, merci d'être là. Je sais que c'est pas facile, il pleut beaucoup en plus hein, surtout en Eure et Seine-Maritime. Il y a Zed et Maître Gims qui arrivent pour la suite de Voït en Normandie. Très bon réveil, il est tout pile 5h30. Les infos, c'est avec François Poulet. Bonjour. Bonjour à tous. On débute ce journal avec un mot de la météo de ce mardi 30 octobre. L'Est verra de faibles pluies en matinée. Le ciel se fera plus lumineux sur l'Ouest avec un vent soutenu en bord de mer et des rafales jusqu'à 70 km/h par heure et des minimales entre 1 et 8 degrés ce matin. Ciel chargé encore pour cet après-midi sur la Seine-Maritime notamment où les averses seront nombreuses avec une amélioration progressive sur le reste de la région et des températures maximales qui oscilleront entre 11 et 12 degrés. Demain mercredi, matinée

Je t'aime, est-ce que tu m'aimes? J'ai pas si je t'aime. Je te sens, c'était mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné des yeux, tu

ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Tous les matins, c'est déjà l'heure. Avec Dimitri sur Cristal. Chris. Je me fais la nique, les mains dans le bouson. Tout mon corps me pique. C'est la salaison. Quand ils lourdent leurs bras, elle rit de bonté. Tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. Tap tap t'appuie au hasard pour la faire jouir. Mais ça me monte dessus. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur cul-chu. T'es qui de la mode n'est pas défendu. Revenu au matin pleine de sueur. Mon corps mentit entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter toi. Day with though without you like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me alone. I don't wanna call and you not answer. Never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. Cause I don't know if I would be alive today with or without you like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me alone. Don't you ever leave me, don't you ever. Bientôt 6h les amis, vous êtes sur Cristal. Bon réveil, j'espère que vous êtes en forme vraiment pour attaquer cette journée. En heure et Seine-Maritime, on a déjà eu droit à des averses ce matin, à Évreux par exemple. Alors restez très prudents sur les routes, ça glisse. Côté température, elles sont moins froides qu'hier. Par contre, Sylvie est à Touques en ce moment dans le Calvados avec 9 degrés. D'ailleurs, envoyez-nous vos températures à météo sur la page Facebook. On aime bien connaître le temps qu'il fait chez vous. Bon courage pour bosser, profitez bien aussi de ces derniers jours de vacances. Ça passe vite, mais on est là avec vous tous les matins direct sur Cristal. Dans un instant, on passe à l'actu et la météo de ce mardi, mais avant, c'est l'horoscope avec Alexandra. Coucou Alex. Bonjour à tous, nous sommes le 30 octobre aujourd'hui. Excellent mardi, l'horoscope des béliers. Vos amis pourront compter sur votre dévouement. Les taureaux, vous débuterez la journée sur un mauvais pied, vous serez une bombe à retardement. Les gémeaux, ce mardi, pourquoi ne pas passer votre soirée à vous faire plaisir avec des amis, par exemple. Cancer, vos supérieurs pourraient enfin vous remarquer et vous apprécier à votre juste valeur, continuez de les épater. Vous voulez en faire trop, les lions, cela vous prive de votre énergie. Ne placez pas la barre aussi haute. Vierge, attention à ne pas vous montrer trop nerveux envers les autres. Les choix sont les vôtres, pas les leurs. Balance, vous aurez envie que tout soit parfait dans votre couple. Vous mettrez tout en œuvre pour faire plaisir à votre moitié. Les scorpions, rien ne viendra troubler votre quiétude. Vous êtes inébranlable. Sagittaire, vous aurez du mal à garder un rythme soutenu. Votre volonté ne suffira pas pour avancer. Capricorne, tâchez de garder l'œil ouvert si vous voulez avoir une chance de trouver l'amour. Les Verseaux, vous pourriez vous laisser emporter par des broutilles et mettre le feu aux poudres. Les Poissons, vous ennuyez-vous dans votre travail ? Cela vous poussera à prendre de nouvelles dispositions professionnelles. Excellente journée à tous. sorrow. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had